Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. Paysan africain qui, depuis des millénaires, vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Le désormais célèbre discours de Dakar, prononcé en 2007 devant l'université Cheikh Anta Diop, sera notre point de départ pour retracer un bout, une parcelle de l'histoire africaine avec Augustin Hall. Bonjour. Bonjour. Longtemps chercheur au Field Museum of Natural History de Chicago, vous êtes actuellement professeur à l'Université de Paris 10. Vos recherches portent notamment sur l'émergence des sociétés complexes dans des terrains qui s'étendent de l'Afrique de l'Ouest au désert du Negev. Justement, notre sujet portera aujourd'hui sur une des sociétés d'Afrique de l'Ouest, les bâtisseurs de menhirs entre Sénégal et Gambie, dont on ne sait quasi rien à ce jour. Augustin Hall, au préalable, pourquoi l'Afrique est-elle un continent qui, pour certains, semble encore inexploré, une zone vierge dont seule l'histoire récente, la nôtre, serait présente à nos mémoires? Précisément, vous avez dit pour certains, oui. Pour d'autres, ceux qui travaillent sur les études africaines, ce n'est pas du tout le cas. Donc, disons, il y a plusieurs visions de l'Afrique qui sont en concurrence permanente. Pour le grand public, c'est soit l'indifférence, soit l'ignorance, ou les deux à la fois. Pour le public cultivé, cela va de l'empathie totale à la critique presque systématique. Mais disons que pour l'histoire de l'Afrique, c'est quand même l'une des histoires humaines les plus longues de la planète. Les phénomènes qui se sont passés dans un temps relativement long ne sont pas aussi bien connus que dans les autres continents où les recherches archéologiques sont beaucoup plus intensives. Mais c'est quand même une culture ou des cultures africaines qui commencent à être connues de manière de plus en plus précise et qui montrent une sorte de canevas beaucoup plus riche, beaucoup plus diversifié que le public, disons, pas trop cultivé, connaît de l'Afrique. Oui, parce que c'est l'histoire d'un continent. Récemment, François-Xavier Fauvel publiait un ouvrage à succès, le Rhinocéros d'or, racontant justement une toute petite partie de l'archéologie et de l'histoire du continent africain. Et puis, il faut rappeler donc cette phrase, le drame de l'Afrique est que l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire. Donc, pour certains... Ah oui, c'est très amusant, cette expression-là. On dirait qu'on est au début du 19e siècle, vous savez, c'est Hegel qui l'a écrit en 1822. Peut-être à l'époque, ça pouvait se justifier. Mais en 1990, c'est tout simplement de l'ignorance. Donc, disons que l'histoire de l'Afrique est diverse, variée et riche comme dans tous les autres continents du monde. Bien sûr, l'Afrique a été colonisée. Et cela l'a mise dans une position tout à fait spéciale par rapport au reste du continent européen. Donc il y a la perception que l'Européen normal, moyen, lambda a de l'Afrique, qui est toujours un peu de condescendance, basée sur beaucoup d'ignorance. Il y a bien sûr les problèmes de l'Afrique qu'il ne faut pas sous-estimer, parce que l'effondrement postcolonial pose quand même des problèmes presque endémiques au continent africain aujourd'hui. Donc, il serait peut-être illusoire d'essayer de demander aux Africains qui sont passés par 3 ou 4 siècles de la traite atlantique, par 1 ou 2 siècles de colonisation, après 50 ans d'indépendance, ce serait quand même un peu excessif de leur demander d'être des pays développés. En tout cas, il nous faut évoquer le Mali, la Centrafrique. La Sénégambie serait aujourd'hui un havre de paix pour les archéologues? Oui, parce que c'est un pays stable qui a réussi à avoir des institutions politiques qui évitent les désastres que l'on connaît ailleurs. Et bien évidemment, beaucoup de pays européens ont mis la moitié de l'Afrique hors Non, autrement dit, leurs nationaux ne sont pas autorisés à y aller faire des recherches. Donc il y a très peu de pays en Afrique de l'Ouest aujourd'hui dans les latitudes sahéliennes qui sont ouvertes aux chercheurs occidentaux. Et l'un de ces pays, c'est le Sénégal. Donc on a une sorte de ruée vers le Sénégal qui est assez intéressante par les temps qui courent. Des chercheurs allemands, des chercheurs suisses, des chercheurs français, des chercheurs anglais se retrouvent dans ce tout petit pays. Chacun avait son petit projet et pour le Sénégal, c'est plutôt intéressant, mais pour l'histoire de l'Afrique, c'est un vrai désastre. Oui, et vous avez un archéologue à la tête du Sénégal, Amadi Bokoum, avec qui vous signez d'ailleurs ce livre « Les traditions égalitiques de Séné-Gambie ». L'histoire que nous allons raconter est une curiosité pour l'Afrique de l'Ouest. La présence de menhirs, de mégalithes dans un continent qui semble n'en posséder que très peu. Il y en a peu, puisque l'Afrique est un continent extrêmement vaste. Mais ils sont assez bien repartis dans la partie nord, dans l'hémisphère nord du continent. Il y a un mégalithisme très ancien en Éthiopie, et il y en a en Afrique du Nord et au Sahara, et il y en a dans ce qu'on appelle le Noumaturunga en Afrique de l'Est, autour du lac Turkana. Il y en a dans le site de Tondidaro au Mali, et bien sûr dans la région sénégambienne. Alors on Celle-ci a la particularité d'être une zone extraordinairement anormal dans le sens où l'aire mégalithique sénégambienne est délimitée par deux cours d'eau, la Gambie au sud et le Saloum au nord. Ces cours d'eau ont une orientation est-ouest et délimitent une sorte de rectangle de 300 km de long, est-ouest, de 120 à 150 km nord-sud, sans aucune connexion avec une aire mégalithique voisine. Donc on a vraiment l'impression de quelque chose qui émerge à partir de rien et dans une zone où il n'y a pas de continuité historique ou spatiale avec les zones voisines. Et c'est véritablement ça le mystère de cette zone. Et c'est un peu le travail que nous avons essayé d'entreprendre. Essayer de comprendre le pourquoi, le comment et le devenir de ce système mégalithique. En tout cas, visiblement, à vous écouter, on peut penser qu'il y a plusieurs traditions de mégalithisme, de création de menhirs en Afrique. Vous citiez l'Afrique de l'Est, le Sahara, la Sénégambie. Donc, visiblement, des choses ont émergé à différentes époques dans différents lieux. Exactement. Je pense que c'est ce que l'anthropologie historique ou même l'archéologie nous apprend de plus en plus, c'est qu'il y a d'énormes convergences dans l'évolution des systèmes sociaux dans le monde et que les choses se manifestent à des moments différents dans différentes parties du monde et qu'il n'y a pas un centre et des périphéries qui copient le centre. J'ai d'ailleurs oublié la zone mégalithique centrafricaine, qui est une des plus imposantes, qui se trouve exactement au centre de l'Afrique, et qui est tout aussi ancienne, sinon un peu plus ancienne que celle de la Sénégambie. Et puis pour montrer l'intérêt de la Sénégambie à nos auditeurs de France Culture, je dirais que des menhirs, en Sénégambie, il y en a plus qu'en Bretagne. Tout à fait, si on les compte. En termes de statistiques, disons que nous avons à peu près 3000 sites mégalithiques. Et si on compte le nombre de pierres levées, ça tourne autour de 30 000. Donc, il y en a énormément. Mais ceux-ci sont organisés en cimetières. Et des cimetières qui peuvent compter entre un et plusieurs monuments mégalithiques, dont les plus fortes densités se retrouvent dans l'ouest de la région et dans le site de Sinigayen que nous avons fouillé. On a la plus forte concentration de ce que nous appelons, pour éviter des ambiguïtés, nous appelons des cercles à monolithes. Parce que cercle mégalithique, ça, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. En Bretagne, on aurait dit des cromlechs. Exact. Ces menhirs, ces mégalithes sont déjà reconnus, protégés et même patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est dire leur importance capitale? Tout à fait. Culturellement, parce que c'est un marquage territorial permanent. Et c'est des monuments qui ont nécessité des compétences techniques tout à fait remarquables. Et la durée du phénomène est, elle aussi, très remarquable. Si on peut parler chronologie, disons que Ce phénomène se matérialise dans une fourchette temporelle qui va d'à peu près 1500 avant notre ère jusqu'à peu près 1500 de notre ère, disons, en gros, pour faire simple, 3000 ans d'existence. Donc la question intéressante, c'est pourquoi ? Et pour aborder le pourquoi, on jette un coup d'œil d'abord à la répartition spatiale des monuments. Justement, vous me disiez qu'ils étaient localisés à côté de fleuves. La surface est environ 33 000 km², donc c'est extrêmement vaste. Peut-on penser qu'il puisse s'agir tout simplement d'éventuels marqueurs territoriaux ? Je pense que c'est l'idée la plus saine là-dedans, dans la mesure où les cimetières mégalithiques s'agrègent comme des grappes le long des cours d'eau. Qui étaient peut-être plus permanents dans le passé qu'ils le sont aujourd'hui. Et il faut dire que la plupart des cours d'eau sont semi-permanents aujourd'hui. Et il y a deux cours d'eau qui sont plutôt permanents. Il y a le Grand Baobolon, qui est un des affluents nord du fleuve Gambie, et puis il y a le fleuve Gambie au sud. Donc ce sont les axes permanents qui continuent à rythmer la vie locale. Et donc on peut, à titre d'hypothèse, s'y arruer vers l'eau, c'est que l'eau devient une denrée stratégique. Et comme le mégalithisme se manifeste au milieu du deuxième millénaire avant notre ère, c'est une période qui correspond à une crise climatique assez importante à l'échelle de toute l'Afrique intertropicale. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas du tout de surprise que les collectivités humaines d'agriculteurs et d'éleveurs s'installent à proximité des points d'eau. Augustin Hall, comment se présentent ces monuments ? Ils sont visiblement d'une assez grande variété. Les monuments mégalithiques sénégambiens sont extrêmement variés. Et on le verra plus tard d'ailleurs, même au niveau de leur utilisation. Disons, pour énumérer les caractéristiques des différents types de monuments existants, nous avons des tumulus de terre, qui sont des sortes de monticules qui peuvent avoir entre 5 et 10 mètres de diamètre, dont on ne connaît pas la hauteur initiale. Et il y a des cercles pierriers, c'est-à-dire qu'on plate des petits blocs de pierre que l'on érige en cercle et à l'intérieur, on dépose des restes humains. Et il y a des tumulus pierriers, c'est-à-dire c'est un monticule, on le couvre entièrement d'une carapace de pierre, et ces pierres, c'est de la latérite. Et bien évidemment, il y a le type le plus élaboré, qui est celui des cercles à monolithes. C'est-à-dire qu'il y a des menhirs, comme on dit. Des stèles, oui. Des stèles qui sont arrangées en cercle. Et dans l'ensemble de toute la Sénégambie, on a 12 doubles cercles. C'est-à-dire cercles dans le cercle, qui sont quand même des monuments assez spéciaux. Nous avons eu l'occasion d'en fouiller un, qui s'est révélé être extraordinairement intéressant. Alors je pense bien sûr à Stonehenge en Angleterre, mais ce n'est pas du tout ça. En tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a retrouvé et que vous avez retrouvé les carrières d'extraction de cette latérite. Donc cela peut aussi nous renseigner sur le savoir-faire de ces populations. Oui, plus que ça d'ailleurs, on a pu retrouver les négatifs du démarrage du travail de conditionnement de monolithes cylindriques, parce qu'il y a plusieurs formes de monolithes. Il y a des monolithes à section quadrangulaire et des monolithes à section circulaire de type cylindrique. Donc généralement, les carriers partaient des fissures naturelles, des micro-fissures qui existent dans tout affleurement rocheux. Et nous avons eu la chance d'exposer un début de modification des contours d'un de ces blocs. Et quand l'artisan ou le spécialiste a découvert qu'il y avait une fissure microscopique qui traversait le bloc, le travail a été abandonné. Donc, et dans la carrière qui a été fouillée, nous avons mis en évidence déjà, les chercheurs qui ont travaillé avant nous ont fouillé une partie de cette carrière, que les enlèvements se faisaient de manière successive. À partir d'un enlèvement, on enlevait 4 ou 5 blocs successifs. Et puis, il y a aussi certaines pierres extrêmement travaillées, comme des pierres bifides, des pierres en forme de lyre, dont, je crois savoir, le musée du Quai Branly en possède au moins une. Qui sont les ethnies vivant actuellement dans cette région de Sénégambie ? Les Wolofs, c'est peut-être les populations les plus connues ? Non, c'est assez diversifié d'ailleurs. Il y a des populations d'origine mandingue que l'on retrouve dans les patronymes. Il y a les Wolofs, bien sûr, et il y a des Serères, et puis, bien sûr, il y a les Peuls. Donc, la population est ethniquement variée, et la colonisation actuelle, l'occupation actuelle est en fait le résultat d'un phénomène assez récent, ce qu'on appelait le front pionnier. Dans le front pionnier, c'était au début du XXe siècle, il fallait produire le l'arachide pour nourrir la machine de guerre. Donc, on a installé dans cette région-là des paysans wolofs et qui ont commencé à cultiver de l'arachide parce que le sol est sableux, il convient à la production de l'arachide. Et si on jette un coup d'œil sur la carte, les villages sont espacés de 5 km et à tous les 5 km, il y avait un puits. Donc, il y a eu un afflux de population wolof récente qui n'a absolument rien à voir avec l'histoire dans la longue durée de cette région-là. En tout cas, les populations de Sénégambie sont actuellement musulmanes. Existe-t-il un folklore autour de ces monuments ? Oui, c'est un phénomène assez intéressant. Et ça oscille entre l'indifférence totale et puis la participation plus ou moins complice, si on peut dire. Et le respect aussi. Et le respect, bien sûr. Il y a par exemple, surtout en Gambie, et un peu moins au Sénégal actuellement, mais il y a des phénomènes qui ont été observés pendant la période coloniale où, par exemple, les musulmans, lors de la fin du Ramadan, pratiquaient des prières publiques dans les sites mégalithiques. Il y avait des moments où il fallait faire des offrandes, des sacrifices pour s'assurer des bonnes récoltes. Faire des sacrifices à l'esprit de la terre, par exemple, en Gambie, c'était assez courant et ça se faisait dans les mégalithes. Verser le sang de l'animal sacrifié sur les pierres était censé porter bonheur aux collectivités de la région. Donc on a une certaine, disons, réutilisation de ce phénomène historique par des personnes de foi musulmane, mais qui essayent d'intégrer cette culture un peu exotique dans les pratiques culturelles actuelles. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle, Augustin Hall, que vous êtes professeur à l'Université de Paris 10, archéologue, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, et que nous évoquons les mégalithes de Sénégambie, dont nous ne connaissons absolument rien des bâtisseurs. Les premiers archéologues, souvent bien sûr des militaires, se sont passionnés pour ces mégalithes d'Afrique. Le premier, le capitaine du chemin, nous voici dans les années 1900. Visiblement, c'était un fouilleur et il ne fouillait pas très bien. Oui, on l'accuse de ne pas fouiller très bien, mais ça, c'est récent. Mais disons que la rencontre entre du chemin et le mégalithe, c'est une très très belle histoire. Il était le directeur et le responsable français de la commission de délimitation des frontières, donc travaillait avec les collègues gambiens pour éviter les disputes sur les frontières des différentes colonies. Et c'est comme cela qu'il a travaillé sur la frontière Gambie-Sénégal, et c'est comme ça qu'il est tombé amoureux des mégalithes. Donc il a commencé à essayer de comprendre de quoi il retourne. Et à la différence des gens de son époque, Duchemin n'était pas du tout diffusionniste. Pour lui, il était tout à fait clair que ces monuments avaient été le produit des compétences techniques locales. Donc il voulait s'assurer de la pertinence objective du phénomène, cartographier son extension territoriale et décrire les différents types de monuments sans se lancer dans des théorisations qu'il considère comme hasardeuses. Alors, ce seront les recherches du docteur Jouenne qui, moi, me paraissent beaucoup plus intéressantes parce que, lui, il formule des véritables hypothèses. Ah, Jouenne est absolument fascinant. C'est un bonhomme très, très intéressant. Médecin de l'assistance publique indigène, il a parcouru la brousse, comme on dit au Sénégal, dans tous les sens. C'est un fouilleur absolument infatigable et bien sûr un intellectuel comme on n'en fait plus. Donc la théorie de Jouenne, c'était que le mégalithisme sénégambien faisait partie d'un système de culte solaire. Et le culte solaire, pour lui, était absolument indispensable pour toute collectivité agricole parce qu'il fallait s'assurer une connaissance et une maîtrise du calendrier agricole. Donc, vous savez bien que quand on a un cercle, on peut prendre tous les azimuts qu'on veut, on a toutes les orientations que l'on peut obtenir. Mais ce qu'il a pu montrer, c'est qu'il y a quand même un phénomène dans le mégalithisme sénégambien qui est intéressant. Ce que nous appelons des des pierres frontales, c'est des menhirs un peu plus grands que les autres qui se trouvent toujours sur le flanc est du monument construit. Même sur les tumulus de terre, il y a toujours une ou deux pierres qui se trouvent sur le flanc est. Et il y a un angle qui varie de 15 à 30 degrés autour de l'axe de l'équateur pour la position de ces monuments-là. Pour lui, ça indiquait la position du lever de soleil à différents moments de l'année. Alors pour les archéologues, ces monuments sont assurément des espaces funéraires. Certains, bien sûr, y verront d'ailleurs des tombes de rois. Des Africains auraient-ils pu construire de tels monuments ? Dans cette vision colonialiste, la réponse est bien sûr forcément non. Dans ce cas, et une fois encore, on y voit la main, bien sûr, des Carthaginois, c'est bien ça ? Exactement. Les Phéniciens ? Bien sûr, on sait bien que c'est tellement compliqué que ça ne peut pas être construit par les Africains. C'était bien connu. Au début du siècle, c'était assez courant. Tout ce qui était d'une certaine nouveauté technique, d'une certaine sophistication, ne pouvait provenir que d'ailleurs. Parce que, comme on dit, l'Afrique se trouvait dans la partie recevante des innovations techniques, n'a pas créé la roue. Mais le mégalithe de Sénégambie était censé avoir été construit par les marins de Phéniciens. Et qui sont allés faire le tour de la Terre, on ne sait pas trop pour quelle raison, ils se retrouvent en Sénégambie. C'est la même chose, d'ailleurs, c'est une sorte de phénomène récurrent, notamment pour la production du fer en Afrique de l'Ouest. On a souvent pensé qu'il s'agissait de l'introduction via les Phéniciens et que ça ne pouvait pas être une innovation locale, c'est bien ça ? Ben oui, non, c'est surpris, mais c'est une idée qui a carrément la dent dure, comme on dit. On a beau trouver... Les recherches archéologiques ont beau montrer que l'idée ne tient pas la route parce que les phénomènes observés en Afrique équatoriale aujourd'hui sont beaucoup plus anciens que celles de l'Afrique du Nord. Mais l'idée continue à être véhiculée comme si elle allait de soi. Donc il y a cette sorte de... C'est assez étonnant d'ailleurs pour nous autres qui nous prétendons des scientifiques d'avoir une sorte de résistance à la nouveauté, pour des raisons qui restent, somme toute, assez mystérieuses. Ces mégalithes sont surtout des lieux de mémoire dont on aurait perdu la mémoire. Personne ne revendique ces monuments et leur passé. Ces mégalithes sont donc suspendus dans un espace socio-culturel tout à fait mystérieux. Vous l'évoquiez, Augustin Hall. Il fallait donc les fouiller, c'est ce que vous avez fait. Si, on les a fouillés, mais cette histoire, cette amnésie historique est absolument fascinante. C'est vraiment un problème de recherche absolument fondamental. Donc, on voit très bien qu'un changement de vision du monde, l'adoption de l'islam, a tout simplement refoulé toutes les périodes antérieures dans une zone de limbe où il n'y a aucune connexion avec le présent, alors que si on ne prend que les données morphométriques, c'est-à-dire les données anthropométriques, les mesures des ossements découverts dans les mégalithes, il n'y a absolument aucune différence sur le plan morphométrique avec les populations Serer et Wolof actuelles. Donc il est tout à fait clair, tout à fait évident que les Wolof, les Serer et les populations sénégambines actuelles, les locuteurs des langues ouest-atlantiques, sont des descendants des bâtisseurs de mégalithes. Mais puisqu'ils avaient des pratiques funéraires un peu étranges, ces pratiques ont tout simplement été évacuées de la mémoire historique et culturelle de ces populations-là. Donc ce n'étaient pas des Phéniciens. Ces monuments ont été employés dans la longue durée. Vous avez mis en évidence une véritable évolution des pratiques funéraires. Tout d'abord, des amas d'ossements, ce que les archéologues appellent des dépôts funéraires secondaires, c'est bien ça ? Oui, ça là, c'est on le... est sur les périodes anciennes. Et oui, ça c'est le fameux double cercle de Sinigayen, qui est absolument fascinante. C'est-à-dire, quand on a commencé à le fouiller, on ne supposait pas qu'il allait être aussi intéressant. D'abord, le dépôt archéologique avait 2 mètres d'épaisseur, assez étonnant, et 4 phases d'utilisation successive avec chaque fois changement de mode opératoire culturel ou funéraire, si on peut utiliser cette expression. Dans un premier temps, inhumation secondaire de masse avec le nombre minimum d'individus représentés de l'ordre de 35. Dans la phase successive qui se date entre 800 et 900 de notre ère, il y a sélection d'un certain nombre d'os longs qui sont disposés dans l'espace fouillé du monument. Comment vous expliquez ça d'ailleurs, cette sélection de plus en plus rigoureuse des ossements ? C'est constaté pour l'instant. L'expliquer, c'est une autre affaire. Donc, ce qui est certain d'ailleurs, c'est qu'on ne sait même pas s'il s'agit d'ossements longs de différents individus ou du même individu. Et puis vers 900 000, tout change de nouveau. Et là, c'est la fonction du monument qui se met à changer. C'est bien ça ? Oui, après une phase, on utilise les mâchoires. Et mâchoires protégées par un pot, il y en a 7 dans le même niveau, donc c'est vraiment un autre changement. Le monument devient un espace public. On construit, c'est alors la construction du cercle intérieur et le couloir construit autour du grand cercle extérieur du cercle intérieur sert de zone de dépôt des offrandes. On y a trouvé des concentrations de vaisselle de poterie très importante et une petite, nous appelons ça table sacrificielle, c'est une dalle de latérite qui faisait partie de ce dispositif-là. Donc on a véritablement l'impression que le monument est devenu un espace public. C'est-à-dire qu'on passerait d'une structure vouée au départ à un espace funéraire, on passerait à un espace cérémoniel, c'est bien ça ? Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que l'espace funéraire initial a dû appartenir à un groupe particulier. Je ne sais pas comment on va l'appeler, famille, clan, lignage, comme vous voudrez. Donc, c'est peut-être ce lignage continue à utiliser dans la longue durée le monument, avec des ossements de plus en plus sélectionnés, et peut-être ouvre ce monument à l'ensemble des collectivités de la région, puisque finalement, le double cercle se trouve paradoxalement au centre de gravité du monument. Mais l'idée, c'est qu'il faut éviter de penser que cela a été planifié initialement. C'est l'utilisation successive de différents espaces qui a construit la centralité de ce double monument, qui est donc devenu un espace public. Vous avez aussi fouillé des tumulus très riches, avec des objets de cuivre, des chasse-mouches, des armes en fer, probablement liées à quelques élites locales. On suppose, avec la richesse du matériel trouvé dans la tombe du grand guerrier, nous l'appelons grand guerrier, il avait 25 ans au moment de sa mort, cette lance en fer sur l'épaule gauche, un coutelas en travers la poitrine, un torque en cuivre au cou, et des grelots aux pieds, des chasse-mouches, et puis bon, tout un appareillage de biens qui fait que le personnage ne pouvait qu'être exceptionnel. Et en parallèle à cet individu, il y a une tombe que nous préférons interpréter comme féminine, parce que c'est surtout des bijoux en cuivre, des bracelets, des anneaux, à la fois à la cheville et au bras. Mais la conservation est si mauvaise que l'on n'a même pas eu les ossements des bassins qui vont permettre de confirmer cette attribution qui est purement indirecte. Donc, à la rigueur, on peut dire qu'il n'y avait pas de discrimination de genre de ce point de vue, qu'on a une tombe riche masculine, une tombe riche féminine, qui sont des tombes primaires dans des tumulus en terre. Donc, au niveau du programme funéraire, on a différents types de monuments qui servent à différents types d'inhumations. Augustin Hall, est-ce que l'on est sur des sociétés complexes, les sociétés complexes que j'évoquais en début d'émission ? Non. Et dans la mesure, l'habitat que nous avons pu mettre en évidence consiste en tout petits hameaux, probablement des hameaux familiaux qui ont quelques centaines de mètres carrés de superficie. C'est un type d'habitat qui se constate encore aujourd'hui où les communautés sont à portée de voix. On peut s'appeler d'un village, d'un bloc à l'autre et comme ça garder le contact avec les voisins. Peut-on répondre désormais à cette question ? Qui étaient les bâtisseurs de ces mégalithes ? Un des Africains. Ça, c'est certain. Des Sénégambiens, ça aussi, c'est ça certain. Aussi. D'accord. Parce que les langues naissent, croissent et meurent. Les gènes se transmettent. Donc, les gènes des bâtisseurs de mégalithes sont certainement dans les populations sénégambiennes actuelles. Donc, on savait qu'il faisait aussi à peu près 1m70, c'est ça ? Il reste peut-être à faire quoi ? De la génétique ? Oui, le problème, le plus grand problème que l'on a, c'est que l'ADN ne se conserve pas dans les ossements de chez nous parce qu'ils sont trop secs, trop mal conservés et on n'est pas en désespoir de cause. Mais on va continuer à essayer avec les dents pour voir si on peut en extraire un de ces jours. Augustin Hall, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre écrit avec Amadi Bokoum, Les traditions mégalithiques de Sénégambie aux éditions Errance. Mardi prochain à 15h30, le Salon Noir sera consacré à l'homme préhistorique et à ce qu'il peut nous apprendre avec Éric Boéda, lui aussi d'ailleurs professeur à l'Université de Paris 10. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Emmanuel Morse d'Incan, attaché d'émission Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.